إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est le cours numéro 3 de Kashf al-Shubuhat, l'explication du Kashf al-Shubuhat par le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Et donc, on continue là où on était rendu, mais avant de commencer, j'aimerais juste prendre un petit instant, juste pour... C'est la page 27 aujourd'hui, Inch'Allah, la page 27, on va commencer. Juste pour vous mentionner quelque chose, en fait, c'est pour nous rappeler de toujours rester conscients, puis de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des endroits dans le monde où les gens n'ont pas la chance et l'opportunité de, disons, la ni'ma de pouvoir avoir... la liberté de faire un dars comme on est en train de faire aujourd'hui. Il y a des endroits où les musulmans yani, qui veulent suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih, ils sont soumis à des règles de la part des gens de bid'a qui les laissent pas yani, avoir yani, la liberté d'appeler, de faire le da'wah et d'enseigner aux gens les principes de fondement de l'islam, du tawhid et de la sunnah. Donc alhamdulillah déjà qu'on a la chance d'avoir, disons, cette mosquée, et dans cette mosquée on est capable d'appeler les gens à Allah et d'enseigner aux gens les fondements du Coran et de la sunnah et du tawhid. Donc ça c'est déjà une ni'ma, et des fois on ne prend pas ça en considération, et on le prend pour, comme on dit en anglais, for granted, hein, on le prend pour acquis. Donc yani, c'est une chose qu'on doit toujours rester conscient, puis en même temps il faut remercier Allah yani, de ça, parce qu'il y a d'autres places dans le monde où ils n'ont pas ça, et cette chance-là. Hein. Il y a des frères en France qui m'ont parlé, qui me disent « Ah, nous on n'a pas ça, et puis on ne peut pas faire qu'est-ce que vous faites. » Donc, alhamdulillah, il faut juste... penser à ces frères-là, puis yani, remercier Allah en même temps, puis demander à Allah de les aider aussi de leur côté, pour qu'il leur facilite les choses, Inch'Allah. طيب, donc on va commencer. Le Cheikh il dit, ومن هنا ينبغي لطلاب العلم أن يحفظوا معنى ما دلت عليه هذه الكلمة باستيفاء شروطها وأركانها وحقوقها وواجباتها حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى قومه وقال لعمه أبي طالب أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية قال كلمة واحدة قال كلمة واحدة فقال يا عم قل لا إله إلا الله فقالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق قال فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق نعم طيب كيف تفعل في التقتلاء تفعل أفعل ديسي La personne qui recherche le ilm, hein, la personne qui recherche le ilm, elle doit yani, préserver et comprendre la signification de ce qu'implique la ilaha illallah, et de respecter ses conditions et ses piliers et ses droits et ses obligations. 27. Et ensuite le cheikh dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à son peuple et il a dit à son oncle Abi Talib, je veux de leur part une parole, une seule parole, que yani, cette parole là par laquelle yani, ils vont pouvoir soumettre ou faire en sorte que les Arabes vont être yani, disons sur la religion تدين لهم بها العرب يعني تدين لهم يعني les Arabes vont être disons derrière eux, ils vont les suivre dans la religion, et les ajam, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas arabes, ils vont leur payer la jizya. Et donc il a dit une seule parole, et il a dit oui, une seule parole. Donc il a dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors ils ont dit, un seul Dieu, un seul ilah. Il a dit, on n'a jamais entendu ça dans l'ancienne religion ou dans la dernière religion, c'est-à-dire dans le christianisme. Hein? Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran, surat Sad, dans lequel on entend au début, Sad, wal Coran, il dit dhikr. بل الذين كفروا في عزة وشقاق le verset 1 et 2 dans surat Sad. Le Coran qui possède le rappel, dans lequel il y a le rappel, et ceux qui ont mécru sont ils sont emplis d'orgueil et tous divisés. Yani. Et après Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ce verset-là, ils ont dit les mouchriquins, on n'a pas entendu ça dans l'ancienne religion, c'est-à-dire dans le christianisme. Yani, subhanallah. Le cheikh il mentionne toutefois en bas de la page ici, أخرجه الترمذي وقال الألباني رحمه الله بعد سياقه لسند الترمذي ضعيف الإسناد انظر ضعيف سنن الترمذي. Donc ça veut dire que cette isnad, cette histoire ici, elle est ضعيفة, elle est ضعيف cette isnad, et donc le hadith est ضعيف. Et il faut pas donc, on peut pas prendre cette histoire comme une référence. Toutefois, le sens du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé son oncle à dire la ilaha illallah et qu'il l'a appelé au tawhid, ça c'est rapporté dans d'autres hadiths qui sont authentiques, d'accord. Et du fait que les mouchriquins ont compris la signification de la ilaha illallah et qu'ils ont refusé de le dire, yani comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple dans une autre ayah dans surat As-Safat, إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Quand on leur dit la ilaha illallah, ils s'enflent d'orgueil et ils disent, est-ce qu'on va abandonner nos idoles ou ce qu'on adore pour un poète fou? Donc ça veut dire ils ont compris que le fait de dire la ilaha illallah, ça impliquait de leur part qu'ils doivent abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh ensuite il dit, وكانوا عربا يفهمون مدلول الكلام ومعناه وعرفوا أن من قال لا إله إلا الله وجب عليه أن ينفذ أو ينبذ نعم أن ينبذ عبادة تلك الأصنام كلها وقالوا قولتهم التي قصها القرآن. Donc يعني ce sont des arabes, ils comprennent le Coran, ils comprennent la langue. Et ils comprennent ce qu'implique la signification de cette parole. Ils ont compris, ils ont connu la ilaha illallah et ce que ça implique. Et donc, ils savent que ça implique et que ça signifie qu'ils doivent obligatoirement rejeter l'adoration des idoles, toutes les idoles. Et donc, ils ont dit ce qu'ils ont dit dans la surat Sad et dans d'autres surat dans le Coran, comme Allah les a mentionnés. Et le cheikh dit ensuite, وكان كل من قال لا إله إلا الله ما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان. كان كل من قال لا إله إلا الله ترك ما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان فإن لا إله إلا الله لها شروطها ولها أركانها التي لا بد من تحقيقها لطلاب العلم ولا بد من فهم معناها لكل مسلم ومسلمة حتى يحقق عقيدته وحتى تروج عليه الشبهات حتى لا تروج عليه الشبهات التي يلقيها المضللون من القبوريين وغلاة الصوفيين ونحوهم. Donc toute personne qui disait la ilaha illallah, il abandonnait tout ce qui était adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les idoles. Et la ilaha illallah, elle a ses conditions et elle a ses piliers, et il est obligatoire pour la personne qui recherche la science de l'établir et de disons d'appliquer ces conditions là et ces règles là et ces piliers là. Et il faut absolument donc que chaque musulman et musulmane comprenne sa signification pour que sa aqida soit établie et correcte. Et pour pas que des shubuhat lui soient lancés de tous côtés, hein, de la part des gens qui adorent les tombes et de la part des extrémistes parmi les soufis et d'autres de leur catégorie, hein, comme les chiites et les autres, qui adore les morts et qui adore les tombes, etc. Donc le cheikh dit fa arkanuha ithnan. Le shahada de la ilaha illallah, il a deux piliers. Al-nafi wa al-ithbat. Ça, c'est les deux piliers de la ilaha illallah. C'est l'affirmation et la négation. Ok? Al-nafi ma'khouzun min qawli al-abdi la ilaha, wal-ithbat ma'khouzun min qawli illallah. Donc la négation est prise de la parole lorsque tu dis « la ilah », c'est-à-dire « il n'y a pas rien qui mérite l'adoration, il n'y a pas de ilah, il n'y a pas de ma'boud, il n'y a rien qui doit ou qui mérite l'adoration », et l'affirmation est prise de l'autre partie du shahada qui est de « illallah », qui est de dire « illallah », c'est-à-dire « accepter Allah subhanahu wa ta'ala ». Donc il n'y a rien qui mérite d'être un ma'boud ou un ilah qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le chef il dit, « Izan, fala ilah, tunfi jami' ma yu'badu min dunillahi an akhtilafi asnaf al-ma'boudat, wa illa Allah tusbitu al-ibada lillahi wahdahu duna siwah. » Donc quand tu dis la ilah, c'est comme si tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la sorte de choses qui sont adorées par les êtres humains, hein, peu importe sa catégorie. Et illallah, ça affirme que c'est uniquement à Allah que l'adoration doit être offerte, et à personne d'autre en dehors de lui. وقد ذكر العلماء رحمهم الله شروطها المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة وهي. Donc là, le chef, ce qu'il va faire, il mentionne maintenant les conditions de la ilaha illallah. Donc il dit que les ulama ont mentionné des conditions pour la ilaha illallah, pour que ton shahada soit valable. Et parmi les conditions que les ulama ont mentionnées, il y a celles qu'ils ont extraites du Coran et de la Sunna. D'accord? Donc, la première, je vais les mentionner toutes d'un coup, et après je vais les expliquer tel que le cheikh les a mentionnés. Il y a al-ilm, la connaissance, al-yaqin, la certitude, ou bien la conviction, al-qaboul, l'acceptation, al-imqiyad, la soumission, al-sidq, la véracité, ou la véracité, ou bien le fait d'être véridique ou sincère quand on le dit, al-ikhlas, hein, aussi c'est la pureté ou la sincérité, al-mahabba, c'est-à-dire l'amour, et al-bara'a, c'est-à-dire de se désavouer de qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et là, on va les expliquer en détail avec la petite explication que le cheikh a donnée pour chacune d'elles. Donc, le cheikh, il commence par al-ilm, il dit, wal-muradu bihi, al-ilmu bima'naha, iz la yatimu al-amal, illa bil-ilm, fal-ilmu qabla al-amal, kama qala ta'ala, ou kama qala Allah azza wa jal, فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. Donc le ilm, qu'est-ce qu'on veut dire par le ilm, on veut dire de connaître sa signification. Donc parmi les conditions de la ilaha illallah, les ulama ont souvent expliqué ou comparé la ilaha illallah à une clé. Ils ont dit que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Toutefois, toutes les clés ont des dents pour ouvrir la serrure. Et donc, les conditions sont comparables aux dents de cette clé. D'accord? Si tu veux que ta clé ouvre la porte du paradis, ben, il faut que tu aies rempli et respecté les conditions de la ilaha illallah. Et donc, parmi ces conditions-là, c'est que lorsque tu prononces la ilaha illallah, tu ne fais pas seulement la prononcer avec ta bouche, mais tu sais en même temps qu'est-ce que ça signifie. Ok? Et donc, c'est ça, c'est pour ça que la première condition, c'est, d'avoir la connaissance. Le chef, il dit, al-ilm, hein, il faut connaître la signification de la ilaha illallah. Et, il faut également, connaître qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique? Et, il dit que toute action que tu fais, si tu n'as pas la connaissance, alors cette action-là, elle n'a pas de valeur, ou bien elle va pas être acceptée. Donc, la connaissance doit absolument être avant l'action. Qabla al-amal. Et il mentionne un verset dans Surat Muhammad, le verset 19, qui dit, dans lequel Allah dit que, يعني فعلم أنه لا إله إلا الله مستغفر لذنبك. Sache que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, et ensuite cherche le pardon pour tes péchés. Demande le pardon à Allah pour tes péchés. Et, يعني, on voit ici donc qu'Allah nous a ordonné d'avoir la connaissance, puis ensuite il nous a ordonné d'avoir la connaissance en premier, d'avoir la connaissance de la ilaha illallah, puis ensuite de demander pardon pour nos péchés, et ça c'est une action. Donc, d'avoir la connaissance en premier, puis ensuite d'agir selon cette connaissance. Et il y a un autre verset aussi dans Surat Al-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Les seules personnes à qui le témoignage va être profitable, c'est celui qui a témoigné de la vérité alors qu'il a la connaissance. Donc, la deuxième condition, c'est al-yaqin. Le cheikh dit an yakuna qailuha muqinan bima dallat alayhi min ma'na an-nafy wal-ithbat. Donc, il faut avoir la conviction. La personne qui le dit, elle doit être convaincue de ce que signifie ce témoignage-là et de ce que cette signification-là implique de négation et d'affirmation. Troisièmement, c'est-à-dire quand tu dis qu'elle yakin, t'as yakin, c'est par opposition au doute. Tu ne dois pas avoir de doute. Troisièmement, al-qaboul, tu dois avoir l'acceptation. الشيخ يقول أن يكون قابلا لما دلت عليه هذا المعنى الكريم أن يكون قابلا لذلك غير معارض وغير معرض ولا معاند لما دلت عليه هذه الكلمة كما فعل كفار قريش ومن تبعهم على ضلالهم في كل زمان ومكان. Donc c'est pas juste, c'est pas suffisant d'avoir la connaissance et d'avoir la conviction. Si quelqu'un a la connaissance et si quelqu'un a la conviction, mais qui n'a pas accepté ce shahada-là, eh bien entendu, ça ne va pas lui servir à rien. Parce que Quraysh, ils avaient la connaissance de la ilaha illallah. Hein? Et pourtant, yani, ça ne les a pas aidés. Et le fait d'être convaincu ou de comprendre la distinction entre l'affirmation et la négation du shahada, eh ben, si tu n'as pas accepté, eh ben, ça sert à rien, comme Quraysh et comme ceux qui les ont suivis dans leur égarement, comme le Cheikh a dit. Donc, il faut pas se détourner, et il faut pas s'opposer, hein, il faut pas s'objecter, il faut pas non plus, rejeter quoi que ce soit de qu'est-ce que le shahada signifie et de ce qui vient avec, pour être considéré comme étant le mu'min. Ensuite, c'est pas tout, il faut également se soumettre à l'inqiyad. Et le cheikh il dit, أن يكون قائلها منقادا مستسلما لمدلول هذا النفي والإثبات. Donc, il faut que tu te soumettes, hein, la personne qui le dit, il faut qu'elle se soumette complètement à ce que signifie cette négation-là et cette affirmation-là. Hein? Et également, il faut être sincère. صدق وهو يكون مصدقا أو مصدقا بما دلت عليه. Il faut, يعني, disons, reconnaître la véracité de ce que implique ce témoignage-là. مصدقا الصدق نعم الصدق la, يعني, la véracité ou bien le fait de reconnaître que c'est la vérité. Comme on dit Abu Bakr, As-Siddiq, celui qui était véridique. Hein? Donc c'est de là que ça vient. As-Siddiq, c'est la vérité. Et Al-Ikhlas, il faut avoir la pureté de l'intention et la sincérité. Al-Ikhlas. Et Al-Yakuna Mukhlisan fi dhalika at-tasdiq. Donc tu le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Pas pour rien d'autre, pas comme les hypocrites par exemple, qui disent la ilaha illallah pour protéger leur sang et leur bien, mais non pas parce qu'ils ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-mahabba, une des conditions les plus importantes c'est d'avoir al-mahabba, d'aimer ce shahada. Le Cheikh dit là, al-mahabba tu laha, wa liman amara biha, وهو الله سبحانه وتعالى ومن جاء بها وهو الرسل وهم الرسل الكرام. Donc il faut aimer ce shahadatain et il faut aimer celui qui l'a ordonné, c'est-à-dire Allah سبحانه وتعالى, et il faut aimer également celui qui est venu avec, et ce sont les messagers d'Allah سبحانه وتعالى. Et al-bara'a مما يناقضها كصنيع المشركين في كل زمان ومكان الذين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون والذين يقولونها بألسنتهم بدون فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها. Donc le Cheikh dit qu'il faut se désavouer de tout ce qui est contre ce témoignage-là, comme par exemple ce que les mushrikins font à toute époque et à tout endroit, du fait qu'ils adorent autre que Allah. Et lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils s'emplissaient d'orgueil, hein, et ils disaient yani. Donc ils le disent avec la langue, mais yani, certains comme aujourd'hui, parmi les mushrikines, ils le disent avec la langue sans comprendre sa signification et sans agir selon ce que sa signification implique. D'accord? Donc on continue. La prochaine phrase, dans Kashf al-Shubuhat, c'est celle dans laquelle le Cheikh Muhammad Abdul Wahhab dit: فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ جُهَالَ الْكُفَّارِ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ. Lorsque tu sais que les kuffars de Quraysh, ils savaient ça, c'est-à-dire ils savaient qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah, et que ça signifie que tu dois abandonner tout ce qui est à l'orient dehors d'Allah. Donc le Cheikh là il va expliquer qu'est-ce que ça signifie cette phrase. Il dit يعني يعرفون معنى لا إله إلا الله وذلك حين قال الله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. نعم كما نزل سنت حديث ضعيف. Et le Cheikh il dit فعرفوا معناها معرفة تامة غير أنهم لم ينقادوا لما دلت عليه من معنى النفي والإثبات عنادا وكبرا. فالمؤلف رحمه الله يذكر أن الكفار عرفوا ما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات وأبوا من الانقياد لما دلت عليه عنادا وحسدا وتعصبا لما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام والأوثان. D'accord. Donc le Cheikh il dit donc les mushrikin ils savaient donc, tu vois, les ignorants parmi les kuffars de Quraysh, ils savaient la signification de la ilaha illallah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à dire la ilaha illallah. Puis le Cheikh a mentionné le hadith que j'ai mentionné tout à l'heure, et il est daif, donc je ne vais pas le répéter, et je ne vais pas le traduire non plus parce que il n'est pas authentique. Après il dit, فَعَرَفُوا مَعْنَاهَا, ils ont connu sa signification d'une connaissance complète. Et Toutefois, le problème avec eux, c'était quoi? C'est qu'ils ont refusé de se soumettre à ce que ce témoignage-là impliquait de négation et d'affirmation. Et ils ont fait ça par orgueil. C'est par orgueil qu'ils refusaient de le dire. Donc, il dit, l'auteur, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il mentionne donc que les koufars, ils ont connu la signification de la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire qu'il faut nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et affirmer que c'est seul Allah qui mérite l'adoration, mais ils ont refusé de se soumettre à cette signification-là par orgueil, par jalousie et du fait qu'ils voulaient s'accrocher fanatiquement et aveuglément à ce que leur père suivait, du fait qu'ils adoraient les idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit « وَقَدْ سَبَقَ فِي الدَّرْسِ الْمَاضِي أَنْ ذَكَرْنَا أَرْكَانَهَا وَشُرُوطَهَا عَلَى سَبِيلِ الْاِخْتِصَارِ والذي ينبغي لكل طالب علم يريد أن يؤسس تأسيسا صحيحا ليبني عليه مسائل العلم أن يهتم بأركان لا إله إلا الله وشروط شهادة أن محمدا رسول الله وهكذا بقية الأصول التي تحويها مراتب الدين الثلاثة مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان فإن دين الإسلام لا يخرج عن هذه المراتب الثلاثة وكل فريضة وكل واجب وكل أمر داخل تحت هذه المراتب الثلاث إسلام بجميع أركانه إيمان بجميع أركانه إحسان بمقاميه المنصوص عليهما في حديث جبريل المشهور. Donc le cheikh il fait un petit résumé ici et il donne une nasiha en même temps. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit en fait que on a mentionné, on vient juste de mentionner les principes et les piliers et les conditions de la ilaha illallah de façon résumée. Et il dit que c'est nécessaire pour celui qui recherche la science et qui veut vraiment établir sa connaissance sur des bases et des fondements solides et corrects, il faut qu'il bâtisse sa connaissance sur les fondements de la connaissance et qu'il mette une importance particulière aux piliers de la ilaha illallah ainsi qu'à ses conditions. Et les conditions du shahada également, du shahada de Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que ça signifie de dire Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que c'est les conditions de ça. Et ensuite il dit, et de même que tous les autres piliers qui sont impliqués par les trois degrés de la religion, le degré de l'islam, le degré de al-iman et le degré de al-ihsan, parce que la religion ne sort pas de ces trois degrés-là, et toute obligation religieuse, et donc toute chose qui est obligatoire, doit rentrer dans ces trois degrés-là. Il faut donc connaître l'islam avec tous ses piliers, connaître la foi avec tous ses piliers, al-iman, et connaître al-ihsan avec ces deux niveaux, ces deux degrés tels qu'ils sont mentionnés dans le hadith de Jibril. Et on a expliqué et étudié ces principes-là en détail dans notre explication du cours de al-usul al-thalatha qu'on a terminé dernièrement. Donc, alhamdulillah, c'est un bon rappel de la part du cheikh, yani de nous mentionner ça. Après le cheikh dit fal ajabu, là ça c'est je continue un autre passage du livre de Kashf al-Shubuhat. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le cheikh dit fal ajabu mimma yad'i l'islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalima ma 'arafahu juhal al-kuffar. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. Qu'est-ce que ça signifie ce passage? Ça veut dire, c'est étonnant de voir que quelqu'un qui prétend appartenir à l'islam ne connaît pas la signification de la parole de la ilaha illallah que les ignorants parmi les koufars de Quraysh connaissaient. Même qu'ils pensent que, c'est de seulement le prononcer les lettres de la ilaha illallah, sans avoir une croyance une croyance dans notre cœur au sujet de sa signification, il pense que c'est seulement ça qui est demandé de nous. C'est-à-dire juste de prononcer les lettres, sans comprendre et sans croire dans notre cœur la signification de ce qu'implique ce témoignage de la ilaha illallah. Hein? Et le cheikh dit ensuite que les intelligents parmi eux, ils s'imaginent que la connaissance de ce témoignage-là, ou la signification de ce témoignage-là, ça veut dire que quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire rien ne crée, rien ne donne une subsistance, rien ne contrôle quoi que ce soit dans le monde excepté Allah. Donc ils pensent que c'est ça que ça veut dire. La ilaha illallah. Ça veut dire qu'ils pensent que rien ne crée excepté Allah. Rien ne donne la subsistance excepté Allah. Rien ne contrôle le monde excepté Allah. Alors il n'y a aucun bon, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bien dans une personne, hein, qui se dit musulman, alors que les ignorants parmi les kuffars de Quraysh connaissent mieux que lui la signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire, les ignorants parmi les idolâtres de Quraysh, ils comprenaient mieux que lui qu'est-ce que la ilaha illallah signifiait. Malgré que lui se dit musulman. Il dit la ilaha illallah, il se dit musulman. Mais les kuffars de Quraysh connaissaient mieux que lui et comprenaient mieux que lui la signification de la ilaha illallah. Parce que quand le prophète Hassan disait aux kuffars de Quraysh, dites la ilaha illallah, ils refusaient. Ils ne voulaient pas le dire. Ils étaient même prêts à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à mourir plutôt que de dire cette parole-là. Pourquoi? Parce que ils ne voulaient pas abandonner leurs idoles. Toutefois, aujourd'hui, les gens qui disent la ilaha illallah et qui font exactement ce que les idolâtres de Quraysh faisaient, en adorant les morts, et en faisant le tawaf autour des tombes, etc. Comme on va mentionner plus tard. Le cheikh dit, l'explication de ce passage, il dit, وجه التعجب من المؤلف رحمه الله أنه واجه أناسا من أهل الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من أصناف العبادة ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى ويدعون بأنهم يستشفعون بهم ويتوسلون بهم ويتوسطون بهم في قضاء حوائجهم من جلب المصالح ودفع المضار فهؤلاء الجهال الذين ينتمون إلى الإسلام ليسوا من الإسلام في شيء لأنهم اتخذوا بينهم وبين الله وسائط يرجون منهم جلب المصلحة ودفع المضر أو دفع الضر الضر ودفع الضر ومن فعل ذلك فليس بمسلم وإن سمي مسلما فإسلامه صوري ليس إسلاما حقيقيا فالمؤلف يتعجب ممن يصلون ويصومون وعندهم عبادات ولكنهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله التي تفيد نفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده دون ما سواه بدون وسائط ولا شفعاء وإنما الأمر كما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Donc ça c'est un passage très intéressant ici. Le cheikh dit pourquoi le cheikh Mohamed Wahab s'étonne ici de voir que cette attitude-là de la part des gens, de ces gens-là. Il dit c'est peine parce qu'il a rencontré des gens qui font la prière, qui font le jeûne, qui font le hajj et qui font beaucoup d'autres sortes d'adorations, mais ces gens-là ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, ok, et ils prétendent qu'ils les prennent comme des intermédiaires et qu'ils les prennent comme des moyens pour arriver à Allah et qu'ils les prennent comme des intercesseurs dans le but de satisfaire leurs besoins et d'amener des bienfaits, de s'amener des biens ou de s'éloigner le mal. Donc ces gens-là, ce sont des ignorants, hein, et ils prétendent appartenir à l'islam alors qu'ils n'ont rien à voir du tout avec l'islam, même s'ils se disent musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et ils espèrent en ces intermédiaires-là pour amener un bienfait ou repousser un mal. Et celui qui fait ça n'est pas musulman, même s'il s'appelle musulman, même s'il se dit musulman, parce que son islam est uniquement en apparence, hein, alors qu'il n'a rien en réalité de ce que signifie réellement être un musulman. Donc le cheikh dit que l'auteur s'est étonné de celui qui jeûne, qui prie, qui jeûne, et qui a beaucoup d'autres formes d'adoration, mais toutefois il n'a pas compris la signification de la ilaha illallah. La signification de la ilaha illallah qui implique de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui affirme l'adoration à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul, sans aucun intermédiaire et sans aucun intercesseur. Hein? En réalité, l'affaire revient au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque mon serviteur me demande ou demande à mon sujet, te demande à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à celui qui invoque ou qui appelle lorsqu'il m'appelle. Alors répondez à mon appel et croyez, et qu'il croit en moi. D'accord? Alors qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, dans le but qu'il soit bien orienté ou bien guidé. D'accord? Et donc ensuite le cheikh il dit, continue l'explication, Izan, لا حاجة إلى الوسائط ولا لا من الملائكة الكرام ولا من الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم ولا من دون ولا ممن دون ذلك في طلب الشفاعة منهم وفي في جلب المصالح ودفع المضار في هذه الحياة. وهذا ما يفعله مشرك هذا الزمان وهذا العصر في معظم البلدان المسلمين من التوجه إلى أصحاب الأضرحة والطواف بها والبكاء عندها والاستغاثة بأهلها ومناجاتهم ومناداتهم ليرفعوا لهم طلباتهم من الله عز وجل فيقضيها هكذا زعموا. وهذا هو عين الشرك الأكبر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من أجله وبسببه أولئك الكافرين الذين قالوا في حق معبوداتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولم نعتقد فيهم القدرة على خلق أو إماتة أو رزق أو نحو ذلك بل نعتقد فيهم أن يكونوا لنا شفعاء ووسطاء عند الله في قضاء حوائجهم ولم يقولوا ذلك لأن هذا من ادعاه فكذبه بين يكذبه كل عاقل ويكذبه الواقع بل من ادعى أنه يخلق أو يرزق فسيقال له أخلق كذا وكذا أو أرزق ذاك الفقير أو أرزق نفسك إن كنت فقيرا وعليكم السلام ورحمة الله. فهم لم يقولوا ذلك بل يقولون الله هو الرزاق وهو الخالق وهو المحي وهو المميت ولكننا ندعو هؤلاء الصالحين أو الصور التي صوروها على أشكالهم وندعوهم ليشفعوا لنا ويرفعوا طلباتنا إلى الله طلباتنا إلى الله فتقضى وهم أموات تحت الثرى بل هم قد صاروا ترابا وهذا من ضعف العقول وفشو الجهل والإعراض عن تعلم دين الله عز وجل وعن تحقيق التوحيد الذي أوجبه على جميع العبيد. Il dit, on n'a pas besoin d'intermédiaires, si on a compris bien comme il faut ce verset. On n'a pas besoin d'intermédiaires, ni des anges, ni des prophètes, après leur mort, ni d'autres qui sont en dessous d'eux, hein, parce qu'on sait que les anges et les prophètes sont les plus élevés auprès d'Allah et les plus rapprochés. Donc si eux ne peuvent pas nous aider, ben ceux qui sont en dessous d'eux peuvent encore moins nous aider. Hein. Donc c'est pour ça qu'on donne toujours l'exemple à partir des prophètes et des anges. Parce qu'une fois qu'on a nié que les anges et les prophètes peuvent nous aider, eh bien on a nié tous les autres qui viennent après. D'accord ? Alhamdulillah. Donc après le cheikh il dit, voilà même deux nazalik, c'est pour ça qu'il dit, et ceux qui sont en dessous d'eux, la même chose. Hein, et donc on n'a pas besoin d'eux pour leur demander l'intercession, ou de nous faire avoir un bien, ou de nous repousser un mal dans cette vie. Et ça c'est ce que font les mouchriquines à notre époque. Hein, à notre époque, dans la plupart des pays musulmans, ils se dirigent vers les gens qui sont enterrés dans les tombeaux. Hein, et ils font le tawaf autour de ces tombes, et ils pleurent à la tombe, et ils cherchent le secours hein, auprès des gens qui sont dans ces tombes-là, et ils les invoquent, et ils les appellent, hein, et ils leur demandent toutes sortes de demandes, hein, pour que eux les amènent à Allah subhanahu wa ta'ala, soi-disant, pour que eux appellent Allah à leur place. Hein, pour qu'ils puissent ensuite, disons, régler leurs problèmes, hein, comme ils s'imaginent. Et ça, c'est le shirk majeur. C'est ça le shirk al-akbar, celui qui te fait sortir complètement de l'islam. Et c'est ce shirk-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre. Et c'est contre les gens qui faisaient ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque. Et pour cette raison-là, hein, les kuffars, on dit au sujet de leurs idoles, ceux qu'ils adoraient à cette époque-là, on ne les adore pas, excepté pour qu'ils nous approchent plus, ou qu'ils nous ramènent plus près d'Allah. Donc on les prend comme, on leur offre des actes d'adoration, ou des choses d'adoration de la façon dont on fait, on les invoque, etc. Mais ça c'est uniquement pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Hein. Et le cheikh il dit, et on ne croit pas, walaykum salam, c'est-à-dire les mouchriquins, ils disaient, on ne croit pas que c'est eux qui ont le pouvoir et qui créent ou qui font mourir ou qui donnent la subsistance. On ne croit pas ça. Hein, les mouchriquins, ils ne croyaient pas que c'est les awliya ou que c'est les saints ou les prophètes ou les morts ou les statues ou les idoles qui créaient ou faisaient quelque chose. De contrôle dans le, de contrôler le monde ou des choses comme ça. Comme le cheikh il dit, au contraire même ils croyaient que ils étaient uniquement des intercesseurs et des intermédiaires, ok, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils pouvaient régler leurs problèmes en tant qu'intercesseurs et intermédiaires. Hein. Et celui qui dit par exemple parmi eux, si elle avait eu un parmi eux qui avait dit oui, nos idoles, nos statues, c'est elles qui peuvent créer, et c'est elles qui peuvent donner une subsistance aux gens. Eh bien, le chef, il dit que toute personne qui a un minimum de raison allait pouvoir les démentir et allait pouvoir montrer qu'ils mentent. Hein. Et toute personne même, yani, qui est intelligente, allait réaliser que la réalité même contredit. Qu'est-ce qu'ils prétendent? Parce que si quelqu'un d'entre eux prétendait, oui, mon idole, ou ma statue, ou celui que j'adore, c'est lui qui crée, eh ben, on avait juste à aller lui dire, allez, vas-y, amène-la ta statue. Hein? Dis-lui de créer quelque chose. Hein? Dis-lui de donner la subsistance à quelqu'un. Hein? S'il est capable. Hein? Donc, les idolâtres, allez voir n'importe quel hindou aujourd'hui. Ou un bouddhiste, ou n'importe qui adore une statue ou une idole, ou qui adore un être humain, ou n'importe quoi en dehors d'Allah, dites-lui, ok, celui que vous adorez, demandez-lui de créer quelque chose maintenant. Et c'est certain qu'il ne peut pas, hein, et qu'ils ne sont pas capables, hein, comme ça, Allah. Donc les mouchriquins de Quraysh, ils savaient ça, quand ils étaient devant leurs idoles, ils savaient très bien que ces idoles-là, ils les ont fabriquées avec leurs propres mains, ils ne peuvent pas créer quoi que ce soit. Donc, ils ne disaient pas que c'est eux le créateur. Donc, quand on a compris ça, on comprend que ceux aujourd'hui qui font le shirk en adorant les morts et des choses comme ça, eh bien, ça détruit complètement leur argument de dire que la ilaha illallah, ça veut dire il faut que tu crois que c'est seulement Allah le Créateur, seulement Allah le Pourvoyeur, seulement Allah qui fait vivre et qui fait mourir, hein, et que si tu as cru en ça, ça y est, c'est suffisant, et que même si tu invoques un saint ou un wali dans sa tombe ou des choses comme ça, et que tu sacrifies pour lui, tu fais des vœux, tu vas à sa tombe, etc., que ça c'est correct, ça annule pas ton tawhid, ça annule pas ton shahada. Eh bien, ça veut dire qu'il n'a rien compris de qu'est-ce que signifie le témoignage de la ilaha illallah. Hein? Et la preuve, c'est que si tu allais voir n'importe quel mushrik de Quraysh au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lui disais, est-ce que Allah et l'Uzza peuvent créer quelque chose aujourd'hui, même une mouche? Ils vont dire non, ils ne sont pas capables de créer une mouche. Ouais, comme ça, hein, tu vas aller voir un chrétien qui est devant la statue de Jésus. Tu lui dis, c'est ton Dieu, ça? Cette statue, pourquoi tu te mets à genoux devant? Pourquoi tu pries devant? Il va me dire, ben, il va pas dire, c'est lui, c'est cette statue-là qui a créé quelque chose. C'est lui qui a créé quelque chose. Hein? Ils savent que c'est Allah qui crée. Hein? Donc, c'est la même chose pour tous les mouchriquins. Ils disent toujours que leurs idoles et les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est pour se rapprocher d'Allah, c'est des intermédiaires entre eux et Allah, c'est des intercesseurs. Mais ils ne croient jamais que c'est eux, ces choses-là, qui contrôlent le monde, qui sont les maîtres et tout. Hein? Donc ça, c'est très important. Une fois que tu as compris ça, ça va t'éclairer beaucoup sur la réalité de qu'est-ce que les mouchriquins sont en train de faire aujourd'hui au nom de, soi-disant, yani, respect des awliya ou des choses comme ça, et qui disent qu'ils sont musulmans et qu'ils adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit, demandez-leur de créer, demandez-leur de donner à quelqu'un la subsistance ou quelque chose comme ça, et ils sont pas capables de le dire. Ils vont dire, non, c'est Allah le créateur. Ils vont dire, c'est Allah le pourvoyeur, c'est Allah qui fait vivre, c'est Allah qui fait mourir. Mais on appelle ces salihines, on les invoque, les salihines, hein, et on leur demande de nous aider, hein, ou on leur demande de demander à Allah pour nous, de nous aider ou des choses comme ça. Alors qu'ils sont morts, enterrés. Ils sont morts et enterrés en dessous de la terre. Et certains d'entre eux même sont devenus de la poussière déjà. Hein, leurs corps sont décomposés complètement. Donc, ça fait partie de la faiblesse de l'esprit, hein, des gens qui n'ont pas de raison, et ça fait partie de l'ignorance et du détournement de l'étude de l'étude des principes de la religion d'Allah, et de l'éloignement de la réalité des principes, d'avoir compris ce qu'implique la réalité du témoignage de la ilaha illallah, et de ce que Allah a ordonné à tous les serviteurs. Izan, fattalafus bila ilaha illallah, محمد رسول الله محمد رسول الله بدون فهم للمعنى يكون خسارة عظمى على من يقولونها على ذلك الوجه بدون عمل بالمقتضى ألا وإن كل المكلفين في أمس الحاجة إلى فهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وتطبيق ما دلت عليه من المعنى العظيم. الشيخ يقول que de prononcer seulement la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sans comprendre qu'est-ce que ça signifie, ça c'est la perdition ultime, yani, du fait que tu le prononces sans appliquer ce que ça implique, hein, sans agir selon ce que ça implique. Et donc chaque musulman qui est disons atteint l'âge de puberté et qui est responsable, il doit apprendre et comprendre qu'est-ce que signifie la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et appliquer ce que ça signifie. وقد مضى معنا فيما تقدم أن لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله تثبت جميع العبادة لله وحده دون سواه فلا يبقى محل ولا مجال لدعوى الوسائط والاستشفاع بهم وطلب الحاجات منهم إذ لا تبقي هذه الكلمة شيئا من هذه الخرافات وهذا الإشراك بالله عز وجل إلا نفته. Donc on a vu précédemment que la ilah c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que illallah c'est l'affirmation que toute l'adoration doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'à personne d'autre en dehors de lui. Donc il ne reste aucun espace et aucune place à toutes les autres prétentions d'intercession ou d'intercesseur ou d'intermédiaire entre Allah et les êtres humains dans le fait de demander, de leur demander quoi que ce soit, yani. Et donc cette parole de la ilaha illallah, elle ne laisse rien, elle ne laisse aucune place à toutes ces superstitions et à toutes ces formes de shirk que les gens font avec Allah subhanahu wa ta'ala, et elle nie tout, elle nie toutes ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le shaykh il dit « Amma shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, fatatajalla fi ta'atihi, fi kulli ma amar, ma'al qudrati alayh, wa tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi, لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يخبر إلا بالوحي واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا لأن الله أمرنا بطاعته ومتابعته وجعل طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله عز وجل. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. As it concerns the témoignage de Muhammad رسول الله صلى الله عليه وسلم, alors ça veut dire que tu dois l'obéir dans tout ce qu'il t'a ordonné, de ce que tu es capable de faire, hein, et de croire en tout ce qu'il t'a informé, parce qu'il ne parle pas selon ses désirs, il ne fait que dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé de la révélation. Et tu dois également te détourner de tout ce qu'il t'a interdit et de tout ce qu'il t'a, critiqué de faire, yani, ou interdit de faire, tu dois t'en écarter, et tu ne dois pas adorer Allah excepté par qu'est-ce qu'il t'a légiféré, c'est-à-dire, tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon sa sunnah, et non inventer des bid'ah ou des innovations et des choses qui ne viennent pas de sa sunnah pour te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. تصديقه فيما أخبر. Tu dois croire en qu'est-ce qu'il t'a informé. Tu dois t'écarter de ce qu'il t'a interdit. Et là, on a dit que tu dois adorer Allah uniquement par ce qu'il t'a légiféré. Ça, c'est quatre choses. D'accord? وما ذاك إلا لأن الله. Ça, c'est uniquement parce que Allah, il nous a ordonné de le suivre. De suivre le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم et de l'obéir. Et il a fait que d'obéir, c'est-à-dire d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Nisa, le verset 80, celui qui obéit au messager, alors il a obéi à Allah. Hein? Et après, il dit dans un autre verset de Surat Ali Imran, le verset 31, dit aux messagers d'Allah, aux gens, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, et Allah va vous aimer, et il va vous pardonner vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Après, le cheikh dit, إذا عرف المسلم هذه المعاني على سبيل الاختصار كفاه بشرط أن يطبقها بالعمل ويعلق قلبه بالله عز وجل وحده الذي لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه فلا يتخذ وسيطا يرجو منه جلب المصلحة أو دفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله إذا كان من الأحياء أما الأموات فلا يجوز أن يطلب منهم شيء البتة لا مما يقدر عليه المخلوق الحي ولا مما لا يقدر عليه المخلوق الحي أبدا. وخير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتوجه إليه بشيء من الطلب ولا مثقال ذرة من أمر الدنيا أو الدين، لأنه مات موتة حقيقية وهو حي حياة برزخية، ولكن الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لا أهل الخرافات الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي كحياته في دار الدنيا. Donc ici, ça c'est un principe que le cheikh explique. Il dit que lorsque le musulman a compris la signification de ces principes de base là qu'on a expliqué, même si c'est résumé, ça lui suffit, ça va lui suffire inshallah, à condition qu'il les applique dans ses actions et qu'il accroche son cœur à Allah seul, à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et qu'il reste conscient qu'il ne peut pas s'enfuir et ne peut pas trouver de salut excepté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne doit pas prendre aucun intermédiaire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala en qui il met son espoir et à qui il demande d'amener un bienfait ou de repousser un mal dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire si c'est parmi les vivants. Par exemple, si c'est une personne qui est vivante et qui est capable de te venir en aide et que tu lui demandes de t'aider dans quelque chose qu'il est capable de faire, il n'y a pas de problème, ça ne rentre pas dans le shirk, hein, parce que ça c'est quelque chose qui est dans qu'est-ce qui est permis et dans qu'est-ce qui est possible. Hein, si je demande à le frère Hassan, maintenant je lui dis par exemple d'aller chercher du pain au magasin, il est capable de faire ça. Et ça, ça ne fait pas partie de du'a, ça ne fait pas partie de qu'est-ce qu'on dit qui est une ibada, hein, ça ne fait pas partie du shirk. Mais si par exemple je vois quelqu'un qui est mort et enterré dans sa tombe et je lui demande quelque chose, il peut pas répondre, il peut pas m'aider dans ces choses-là. Hein. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut m'aider à avoir quelque chose de ce genre. Si par exemple je demande au frère Hassan de me pardonner mes péchés au jugement dernier, est-ce qu'il est capable? Il ne faut pas faire ça. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire ça. Donc, pour une personne qui est vivante, on a uniquement le droit de demander quelque chose qu'il est capable de faire et qu'il est capable de nous donner. Si on lui demande quelque chose de ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, eh ben, dans ce cas-là, ça rentre dans le shirk. Si tu demandes quelque chose que seul Allah est capable de faire, ou Allah, fais-moi rentrer au paradis. Tu demandes à Allah de te faire rentrer au paradis. Mais tu ne peux pas demander à une personne, un être humain, même s'il est vivant, tu ne peux pas lui demander oh Allah, à quelqu'un, fais-moi rentrer au paradis. Peu importe qui il est, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, durant sa vie, tu peux lui demander de faire un dua, demander à Allah s'il est vivant, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il demande pardon pour toi ou qu'il te fasse rentrer au paradis. Mais une fois qu'il est mort, comme c'est le cas maintenant, eh bien il ne peut pas, tu ne peux pas lui demander quoi que ce soit, hein, parce que sa vie est terminée, et c'est ça que le cheikh explique ici. Donc tu peux demander à quelqu'un qui est vivant, dans quelque chose qu'il est capable de faire pour toi, hein, on va dire que tu es dans la rue, il y a quelqu'un qui veut t'attaquer, tu as besoin d'aide, parce que tu vas te faire attaquer par une personne, un criminel, un voleur, ok? Et tu vois quelqu'un qui passe tout près, et là tu lui dis viens m'aider, hein? Ça c'est pas shirk, parce qu'il est capable de t'aider, hein? Toutefois, yani, toi t'es ici, là tu sais que par exemple il y a un cheikh, je sais pas moi, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal ou en Asie, au Pakistan, t'as un cheikh là-bas, et tu l'appelles, tu cries son nom, viens m'aider. Est-ce qu'il est capable de t'entendre? Est-ce qu'il est capable de t'aider? Non, il n'est pas capable. Donc là, c'est la différence. Même s'il est vivant, tu ne peux pas lui demander, sauf s'il est capable, s'il est proche. s'il est capable de te venir en aide. Ben, il faut être réaliste, hein, parce qu'on sait que la personne ne peut pas entendre excepté si elle est à une proximité. Et si tu l'appelles alors qu'il est à une distance très loin, ça veut dire que tu crois que cette personne-là a une ouïe, hein, physiquement, qui est capable d'entendre tout. Hein, c'est seulement Allah qui entend tout. Hein. Et à moins que tu utilises un téléphone, d'accord, là, dans ce cas-là, peut-être, mais exactement, comment pourra-t-il répondre à cette distance? Impossible, il ne peut pas... Ouais, il peut répondre. Ouais, c'est ça, tout le monde peut répondre avec le téléphone, exactement. Donc, alhamdoulilah, donc pour le vivant, on a compris, maintenant, comme pour le mort, on n'a pas le droit de demander quoi que ce soit. Ni qu'est-ce que quelqu'un est capable de faire, ni qu'est-ce qu'un vivant est capable de faire, ni qu'est-ce que seul Allah est capable de faire. Hein? Ni qu'est-ce qu'un vivant est capable de faire, ni qu'est-ce que seul Allah est capable de faire pour le mort. Hein? On demande uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit que même la meilleure des créatures, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à personne de se tourner vers lui et de s'adresser à lui pour lui demander même pas une graine ou un atome. Quoi que ce soit des choses de la dunya ou de la religion, une fois qu'il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, il vit parce qu'il est mort d'une mort réelle, et il vit d'une vie de barzakhia, comme on dit, une vie, hayatun barzakhia. Et qu'est-ce que ça veut dire, hayatun barzakhia? C'est une vie après la mort, entre ce monde et l'autre monde après. C'est-à-dire, maintenant on vit, et après il y a al-barzakh, c'est une étape, disons, intermédiaire, entre le jugement dernier et la vie d'ici-bas. Et cette période qu'on appelle al-barzakh, c'est une vie dans laquelle le prophète il vit et les autres créatures également, on a soit un châtiment, soit une récompense dans la tombe. Sauf que c'est pas une vie qui est comparable avec la vie qu'on vit dans notre vie aujourd'hui. Et c'est deux mondes complètement différents. On peut pas comparer ou faire des analogies entre les deux mondes, d'accord? Donc, lorsqu'on dit qu'il est vivant dans al-barzakh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, il faut pas s'imaginer que sa vie dans al-barzakh c'est exactement comme sa vie dans la dunya. Hein? La vie en réalité dans al-barzakh, elle est complètement différente que la vie qu'on vit dans ce monde actuellement. Et donc, on ne peut pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort quoi que ce soit. On doit uniquement se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'il est vivant dans le barzakh, c'est pas une vie qui est comparable à la vie quand il était dans ce monde. Ok? Non. C'est valable pour toutes les autres créatures encore plus. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Non, tous les morts sont dans le barzakh. Ils vivent soit dans, bon, il y a les shuhada, il y a les martyrs qui vivent dans les oiseaux, dans des oiseaux qui tournent dans le paradis. Et il y a les mu'minin qui sont dans, disons, comme Naïm, dans une forme de liste de récompense dans leur tombe en attendant le châtiment. En attendant le jugement dernier, et il y a ceux qui sont dans un châtiment dans leur tombe. Donc il y a Naïm al-Qabr wa Azab al-Qabr. Et ces gens-là, ils sont dans, disons, une autre réalité. C'est le barzakh. L'au-delà, c'est après le barzakh. Hein? Wallahu a'lam. Naam, c'est comme quand tu dors, tu es dans une autre dimension, disons, ton âme. Eh ben, la même chose, tu peux dire aussi, c'est comme avant que tu viennes au monde. Avant que tu viennes au monde, ton âme, elle était créée déjà, mais tu ne te souviens pas, c'est une autre dimension. Hein? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie ton âme avec un ange pour l'insouffler dans ton corps, dans le ventre de ta mère. Là tu rentres dans une autre dimension, c'est dans ce monde. Là tu viens au monde et là ça y est, tu commences à vivre. Jusqu'à ce que tu meurs, là tu rentres dans une autre dimension encore une fois. Et après tu vas être ressuscité, tu vas revenir au monde et là ça va être une autre dimension encore. Et chacun de ces mondes-là a des lois et des règles différentes et tu ne peux pas comparer les uns avec l'autre. Chacun est différent. C'est pour ça que ceux qui utilisent l'argument que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant dans le barzakh pour essayer de dire que tu as le droit de l'invoquer ou de lui demander des choses, mais ça c'est un faux argument. Parce que c'est pas du tout comparable. La vie dans le barzakh et la vie dans la dunya, c'est deux choses différentes. Donc si on peut pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on peut pas demander à personne d'autre également, parce que tous les autres sont en dessous de lui. Hein? Et c'est pour ça que le cheikh il dit que ça c'est la aqida et la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne la vie dans le barzakh, et contrairement aux superstitions des gens de Bida qui disent que la vie du prophète dans le barzakh elle est exactement pareille à sa vie dans la dunya, donc tu peux lui demander comme tu veux et l'invoquer, demander de prier Allah pour toi, des choses comme ça, d'accord. Le cheikh il dit « ولهذا كان الصحابة الكرام قد مرت بهم أمور وهموم وغموم وكروب وحروب وجذب وخلافات حصلت في عهدهم ولم يعرف أن واحدا منهم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويستنجد به ليحل مشكلة من المشاكل أو من مشكلاتهم أو ليستسقي لهم. لم يعرف هذا أبدا لأنهم حققوا التوحيد وابتعدوا عن الشرك بجميع صوره وذرائعه، ومع ذلك فإنهم يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفعوه عن منزلته التي أنزله الله فيها، ولم يسووا أحدا بربهم، بل قدروه حق قدره بخلاف المشركين في كل زمان ومكان، فإنهم لم يقدروا الله حق قدره، كما قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي إذا دعي أجاب، وإذا سئل أعطى، وإذا استغاث به المكروب أغاثه، وإذا لجأ إليه الملهوف فك كربته. donc ici le cheikh il dit que les sahaba, les nobles sahaba, ils sont passés à travers plein de difficultés et des problèmes et des tristesses et des guerres et toutes sortes de divergences entre eux à leur époque, et aucun d'entre eux n'est jamais parti à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de résoudre leurs problèmes et leurs difficultés pour qu'ils fassent tomber la demande de la pluie pour eux ou des choses comme ça. Ça n'a pas été connu de la part des sahaba jamais, parce que les sahaba avaient compris la réalité du tawhid et ils s'étaient éloignés de toutes les formes du shirk dans toutes leurs manifestations, et ils ont connu l'importance et ils ont connu la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne l'ont pas élevé au-dessus du niveau dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'avait mis, et ils n'ont pas mis personne à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ils ont estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur, et contrairement aux mushrikines à toute époque et dans tout lieu, parce que eux, les mouchriquins, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. فالرب, يعني Allah subhanahu wa ta'ala, الرب, c'est lui que lorsqu'on l'appelle ou lorsqu'on l'invoque, il exauce notre appel, et lorsqu'on lui demande, il nous donne, et lorsqu'on lui demande, on l'appelle au secours, lorsqu'on a un malheur ou un problème et qu'on l'appelle au secours, eh ben il nous vient en aide. Et lorsqu'on se retourne vers lui, lorsqu'on a une difficulté, eh ben il nous enlève cette difficulté. Cheikh il dit wal maqsoud fattawajjuh ila Allah wahdahu bi kulli ibadatin tawhid wa ash-shirk huwa didd at-tawhid wa huwa ibadatu ghayri Allah wa ibadatu ghayrihi ma'ah أو عبادة غيره معه. إذن فيجب على المسلمين أن يكونوا صادقين مع الله عز وجل نعم في تعاملهم معه، وأساس ذلك وأصله توحيد الله تبارك وتعالى في جميع أنواع التوحيد الثلاثة، والبراءة من الشرك والمشركين، فلا ولا إلا ببراء، ولا يمكن أن يحقق عبد الله أو ولا يمكن أن يحقق عبد توحيد الله إلا إذا تبرأ من الشرك والمشركين، كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والأعمال، فمن توجه بشيء من العبادات إلى غير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا يغفر له ذنبا إلا إذا تاب أو إلا إذا تاب وأناب إليه في حياته في حياة العمل قبل موافاة الأجل. Donc il dit que qu'est-ce qui est le but de tout ce qu'on a expliqué, c'est en fait qu'il faut se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala lui seul avec toute notre adoration, et voilà le tawhid. Tandis que le shirk, c'est le contraire du tawhid, et c'est d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'adorer autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est obligatoire aux musulmans d'être sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala dans toute leur interaction envers Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils agissent envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la base de ça, et le fondement de ça, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les aspects, parmi les trois aspects du tawhid. Et il faut se désavouer du shirk et de ceux qui l'appliquent parmi les mushrikines. Donc il n'y a pas d'alliance acceptée avec le désavouement. Il faut, tu peux pas dire que tu fais al-wala, que tu t'es allié aux mu'minines, excepté si tu t'es désavoué des mushrikines. Et donc c'est pas possible de réaliser la signification du tawhid, excepté si tu t'es désavoué du shirk et des mushrikines. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, tu ne trouveras pas parmi ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier des gens qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même s'ils sont leur père ou leur fils ou leur frère ou leur tribu ou leur etc. Donc ça, c'est dans Sourate Al-Mujadala, le verset 22. Et le cheikh il termine en disant que l'adoration, c'est un mot qui implique toutes les formes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il agrée parmi les paroles et les actions qui sont faites extérieurement ou intérieurement. Hein, parmi les, et donc c'est ça. Et après il dit que celui qui se tourne vers autre que Allah subhanahu wa ta'ala avec une de ces formes d'adoration là, alors il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le shirk akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter de ses actions rien du tout. Et il ne va pas le pardonner, il ne va pas pardonner aucun de ses péchés, excepté s'il s'est repenti du shirk dans cette vie avant sa mort. On va s'arrêter ici, je pense, pour permettre aux frères, wa alaykoum salam wa rahmatullah, pour permettre aux frères de faire le adhan. Sinon, on peut juste lire la dernière partie, il dit le cheikh, non, donc si tu as, « وَإِذَا عَرَفْتَ مَا ذَكَرْتُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مَعْرِفَةَ قَلْبٍ وَعَرَفْتَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ عَرَفْتَ دِينَ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ الرُّسُلَ ومن أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si t'as connu, si t'as bien compris qu'est-ce que on a expliqué avec ton cœur et que tu as compris la signification du shirk avec Allah, hein, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il ne pardonne pas celui qui a fait du shirk avec Allah, mais il pardonne en dehors du shirk tout ce qu'il il pardonne en dehors du shirk tout péché à qui il veut, à qui il veut. Donc, si tu as compris ça, alors tu as compris c'est quoi la religion d'Allah, la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ses messagers, du premier au dernier, et Allah ne va accepter aucune autre religion en dehors de cette religion-là, c'est-à-dire l'islam. Et le cheikh explique ce passage-là avec un petit passage en disant وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهذا حصر وقصر فمن عبد الله بدين الإسلام فهو الموحد ومن عبد بغير دين الإسلام بل بملة الشرك أو اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو أي نحلة من نحل الكفر والإشراك فإن الله لا يقبل منه شيئا من الأعمال ولا يقيم لها وزنا كما أخبرنا في قوله الحق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي لا وزن له ولا ينفع صاحبه أبدا. الله سبحانه وتعالى إلزي celui qui cherche une religion autre que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ça c'est le verset 85 dans Ali Imran. Ensuite il dit, et la religion pour Allah c'est l'islam. C'est le verset 19 dans Ali Imran. Et il dit donc ça vient limiter toute la religion à l'islam. Et celui qui adore par autre que l'islam, qui adore Allah par autre que l'islam, alors ça ne sera pas accepté de lui. Celui, la seule religion qui sera acceptée de quelqu'un, c'est l'islam. Et celui qui adore Allah par autre que l'islam, parmi les religions du shirk, comme le judaïsme, le christianisme, ou les autres religions, parmi les religions du kufr et du shirk, Allah n'acceptera rien de leurs actions et ne va pas leur donner aucun poids, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Al-Furqan, le verset 22, et on va prendre tout ce qu'ils ont fait comme action, et on va le faire devenir comme de la poussière éparpillée. Et donc, cette action-là n'aura aucun poids dans la balance et ne va rien servir, ne va d'être aucune utilité à la personne qui les a fait. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.